Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ci-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et ne les serviras point, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu fort, qui est jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde en mille générations à ceux qui m'aiment, et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra point pour innocent, celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton œuvre, mais le septième jour est le repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni ton étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en six jours les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos, et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Or tout le peuple apercevait les tonnerres, les éclairs, le son du cor, et la montagne fumante, et le peuple, voyant cela, tremblait, et se tenait loin, et ils dirent à Moïse, « Parle, toi, avec nous, et nous écouterons, mais que Dieu ne parle point avec nous, de peur que nous ne mourions. » Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin que sa crainte soit devant vous, et que vous ne péchiez point. » Le peuple donc se tint loin, mais Moïse s'approcha de l'obscurité dans laquelle Dieu était. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu diras ainsi aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé des cieux. Vous ne vous ferez point avec moi de dieu d'argent, ni de dieu d'or. Tu me feras un autel de terre, sur lequel tu sacrifieras tes holocaustes et tes oblations de prospérité, ton menu et ton gros bétail, en quelque lieu que ce soit que je mettrai la mémoire de mon nom, je viendrai là à toi, et je te bénirai. Que si tu me fais un autel de pierre, ne l'étaille point, car si tu fais passer le fer dessus, tu le souilleras. Et tu ne monteras point à mon autel par des degrés, de peur que ta nudité ne soit découverte en y montant.